Pourquoi la révolte dans l'éducation? Nous n'avons pas besoin de l'éducation, nous n'avons pas besoin du contrôle de la pensée. Voilà les paroles de cette chanson célèbre des Pink Floyd dans leur disque intitulé Le Mur, où il s'agit de briser des murailles dans les années 80, peut-être à la fin des années 70, dans les années 80, cette révolte contre l'idée d'éducation elle-même, non pas seulement contre un mode d'éducation qui serait oppressif, mais contre l'idée même d'éducation qui serait une oppression, cette étrange synonyme aussi entre l'idée d'éducation et celle du contrôle des pensées, une éducation qui serait par essence une forme de violence institutionnelle, une forme de pouvoir et de domination, voire de tyrannie. Pourquoi donc cette révolte au cœur de l'éducation, au cœur de finalement quand même ce qui a toujours été présenté aussi comme un instrument d'émancipation, comme un instrument d'accès à la liberté, de résistance au pouvoir, d'acquisition de l'esprit critique? Eh bien, il y a deux raisons à cela. Il y a d'abord une raison historique, probablement une forme de critique de certains systèmes d'éducation, mais qui aujourd'hui se retrouve aussi dans une critique de l'éducation en tant qu'institution politique. Et puis, il y a peut-être quelque chose de plus profond encore, qui devrait nous amener à penser la révolte précisément dans l'éducation, mais surtout pas à abolir l'éducation au nom de la révolte. Au contraire, à penser une éducation qui intègre en elle cette critique et cette possibilité de la révolte, notamment adolescente. C'est l'idée que l'éducation, justement, n'a pas seulement affaire à des sujets lisses et dociles, à des plaques de cire sur lesquelles on pourrait imprimer une forme, comme cette idée de formation d'une matière vierge, d'une table rase. Eh bien, au contraire, l'éducation a affaire avec des sujets libres et critiques qui doivent apprendre aussi l'exercice de la critique et l'exercice de la démocratie, l'exercice de la résistance, comme le psychanalyste Winnicott nous apprend que l'adolescence, c'est justement la contestation, qu'il y a aussi des pulsions négatives, des pulsions destructrices, que l'adolescent cherche aussi à se mettre en danger et que cette culture musicale, justement, est une manière aussi d'apprivoiser cette révolte et pas seulement de la conduire à tout détruire. Ne nous trompons pas. La révolte dans l'éducation, c'est aussi la présence de l'homme révolté dans l'homme qui apprend, et à condition qu'elle ne soit pas prise justement comme une révolte contre l'éducation, mais comme une révolte pour l'éducation. Et peut-être le disque des Pink Floyd va-t-il trop loin et nourrirait-il aujourd'hui les pires obscurantismes contre l'éducation? Bien au contraire, il nous faut aujourd'hui une éducation qui accepte la liberté et la controverse, qui nous éduque à la liberté et à la controverse, et qui fasse de la révolte et de l'éducation deux instances conjointes, inséparables, pour arriver à la liberté dans nos sociétés et dans notre monde.